Chapitre 11e, le nouveau père et le billet de banque. Dans l'après-midi de ce même dimanche, une chaise de poste roulait à grande vitesse le long de l'avenue qui menait à East Lyne. Dans cette voiture était assis le nouveau père, Lord Mount Severn. Il arrivait de la station du chemin de fer, station qui se trouvait à 2 lieues de distance à peu près du château. Carlyle accourut bientôt à sa rencontre, ainsi que Warburton, qui dans ce but était venu expressément de Londres. Ce dernier, étant en voyage au moment de la mort du comte, n'avait pu se rendre plus tôt au château. Ces trois personnages entrèrent immédiatement dans le récit et l'examen des affaires du défunt. Le nouveau comte n'ignorait point que son prédécesseur s'était mis dans un état de gêne, mais il était loin de se douter que cet état était si voisin de la ruine et de la misère. Il n'avait jamais eu de grand rapport avec lui, et tous deux ne s'étaient vus que rarement et à de longs intervalles. À mesure donc qu'on lui faisait l'exposé de la situation, à mesure qu'il entendait les tristes révélations touchant les dépenses désordonnées du comte, le gaspillage et la dilapidation de sa fortune, l'extrême indigence à laquelle se trouvait réduite Isabelle, il demeurait interdit et pétrifié d'étonnement. C'était un homme à la taille élevée, d'un embonpoint considérable, à la physionomie sévère, aux manières froides, mais qui possédait une nature honnête et droite. Il pouvait avoir 44 ans. « C'est une indignité !» s'écria-t-il en s'adressant aux deux avoués. « Ce Mount Severn me semble avoir été le plus grand libertin, l'être le plus dissolu dont j'ai jamais entendu parler. »« Certes, » firent tour à tour Carlyle et Warburton, « il s'est rendu coupable d'une grande imprévoyance vis-à-vis de sa fille. »« Ce n'est pas là de l'imprévoyance, » riposta le nouveau comte, « c'est de la folie. Un homme doué de l'usage de sa raison n'aurait jamais abandonné son enfant à la merci du monde. » Elle est littéralement sans le sou. Je lui ai demandé tout à l'heure quelle était la somme d'argent que son père avait laissée dans son secrétaire. Il m'a répondu qu'elle avait trouvé de 400 à 500 francs et que cette somme même avait été remise à Mason pour les dépenses de la maison. Si la pauvre enfant a besoin d'un ruban, elle n'a pas 2 sous pour l'acheter. Peut-on se figurer une telle situation ? Continua le comte en s'animant de plus en plus. C'est une infamie. Et je jure que de ma vie, je n'ai jamais rien vu de pareil. « Ainsi, elle est sans ressources ?» demanda Carlyle. « Complètement. Et je ne vois même aucun moyen qui puisse lui permettre de lever de l'argent et d'obtenir quelques crédits. »« Vous avez raison, my lord, » ajouta Warburton. « Les terres substituées vous appartiennent dès à présent. Et quant au reste, les créanciers s'en empareront bien vite et n'y trouveront même pas grand profit. »« Vous êtes le propriétaire d'East Lyne ?» s'écria le comte en se tournant brusquement vers Carlyle. C'est là du moins ce que m'a pris à l'instant Isabelle. Oui, répondit l'avoué, East Lyne est à moi depuis le mois de juin dernier. J'ai lieu de croire que feu Lord Mount Severn ne l'a jamais révélé à personne. C'est facile à comprendre, interjeta Warburton. S'il en avait ébruité la nouvelle, il n'aurait pas touché 1 liard de l'argent que vous lui avez remis. Cette transaction a été opérée entre nous, et personne n'en a eu connaissance excepté moi-même et les agents d'affaires de M. Carlyle. « Permettez-moi de trouver étrange votre conduite en cette circonstance, » fit avec aigreur le nouveau père en s'adressant à Warburton. « Vous aviez toute la confiance de mon prédécesseur. Vous étiez parfaitement au courant de ses affaires. Vous auriez dû, il me semble, profiter de votre position pour faire valoir les droits d'Isabelle. » « Et c'est justement parce que nous connaissons si bien l'état de ses affaires que nous avons compris combien notre intervention serait inutile, » répliqua Warburton. Il n'était plus temps de songer à sa fille. Depuis plusieurs années, déjà l'occasion était perdue. Une fois ou deux, j'ai appelé son attention vers ce sujet. Et c'était pour lui un sujet trop triste, devant lequel il reculait sans cesse. Il ne se montrait pas inquiet sur le sort de sa fille. Il pensait qu'elle trouverait un riche parti. Il espérait vivre assez longtemps pour l'avoir convenablement établi. Niaiserie que tout cela, reprit le comte, qui arpentait la chambre en proie à la plus vive agitation. « Niaiserie !» répéta-t-il en s'arrêtant subitement et en fixant son regard sur Warburton. « Prétendez-vous, monsieur, » continua-t-il, « prétendez-vous me faire accroire que Mount Severn ne pouvait plus rien pour sa fille ? Ne pouvait-il donc assurer sa vie pour quelques milliers de livres sterling ? Cet enfant est de la misère, me comprenez-vous ? Je ne vous comprends que trop, hélas, mais votre seigneurie me semble n'avoir qu'une idée bien imparfaite des embarras pécuniaires où se trouvait le défunt. Les intérêts seuls qu'il était obligé de payer pour les sommes qu'on lui avait avancées dépassaient tout ce que l'on peut imaginer. Et c'était le diable que d'arriver à les toucher, ses intérêts. Il passait sa vie à souscrire des billets, à les négocier lui-même, à les faire escompter. C'était sa manie. Et il ne reculait devant aucun moyen pour se procurer de l'argent. En un mot, il tirait le diable par la queue. Il y était, pour ainsi dire, entraîné par sa position nécessiteuse, fit observer Carlyle. Et pourquoi s'était-il mis dans cette position, monsieur ? Riposta le comte avec colère. A-t-il au moins laissé quelque argent chez son banquier ? Continua-t-il en s'adressant à Warburton. Pas un sou. Nous avons nous-mêmes, il y a 15 jours, tiré pour une somme dépassant son crédit dans le but de satisfaire des réclamations pressantes. Il nous reste quelque chose entre les mains. S'il eût vécu 15 jours de plus, nous aurions opéré la rentrée des loyers du fermage de l'automne, mais ces fonds auraient été bien vite engloutis. J'apprends avec plaisir cependant qu'il vous reste quelque chose. À combien s'élève la somme ? My lord, répliqua Warburton en secouant tristement la tête, je regrette d'avoir à vous annoncer que ce que nous possédons ne suffira même pas à couvrir les dépenses que nous avons encourues, à nous rembourser de nos frais. Alors que diable allons-nous faire ? Où trouver l'argent pour les funérailles, pour les gages des domestiques, pour tout enfin ? Je n'en sais rien, en vérité, fit Warburton. Quelle imprévoyance coupable ! Quel honteux dérèglement ! Cet homme s'était fait un calus contre les remords de sa conscience. Il a vécu comme un fripon et il est mort comme un gueux, abandonnant sa fille à la charité publique. Oui, c'est elle surtout qui est à plaindre, observa Carlyle. Où va-t-elle se réfugier ? Chez moi, parbleu, répondit sa seigneurie. J'ai lieu de supposer qu'elle ne regrettera pas son ancienne demeure. Accablé de dettes comme il l'était, sans cesse harcelé par des créanciers importants, Mansovern ne pouvait avoir un intérieur agréable et fort attrayant. Elle ignorait tout ce qui se passait, ajouta Carlyle. Son père avait soin de lui cacher soigneusement le fâcheux état auquel il se trouvait réduit. Sort net que tout cela, murmura le nouveau père. Pardon, my lord, interjeta Warburton en regardant le comte par-dessus ses lunettes. Ce que vous dites là, monsieur Carlyle, c'est la pure vérité. Jusqu'au printemps dernier, Lady Isabelle habitait Mount Severn en toute sécurité. L'argent provenant de la vente d'Eastline permit au comte de conserver les apparences de la richesse et de mener quelque temps encore son ancien genre d'existence. Maintenant, tout est fini. Ses folies sont arrivées à leur terme. Non pas, riposta Lord Mount Severn. Après la cause viennent les effets. J'ai appris la scène qui s'est passée ici hier matin. Il paraît que quelques-uns des malheureux qu'il a trompés sont arrivés de la ville et ont envahi ces lieux. Ce sont des juifs, pour la plupart, fit Warburton avec indifférence. S'ils perdent quelque chose, cela ne leur fera pas de mal. Un instant, monsieur Warburton, les juifs ont droit à leur argent tout autant que vous et moi, répondit vertement le comte. Fussent-ils même des Turcs et des infidèles, je ne vois point que cela puisse disculper Mansavant de ses escroqueries. Au dire d'Isabelle, continua-t-il en se tournant vers Carlyle, c'est vous qui êtes parvenu à les congédier ? Oui, répondit l'avoué, en leur démontrant qu'Islaine m'appartenait, ainsi que tout l'ameublement. Toutefois, il y a là-haut deux individus dont je n'ai pu me débarrasser. Ils se sont emparés du corps. Que voulez-vous dire ? Demanda le comte en fixant sur lui un regard scrutateur. Vous ignorez donc, reprit Carlyle en baissant la voix, vous ignorez donc que depuis hier matin, deux sentinelles sont en faction auprès du mort. Il y en a même une troisième, dit-on, qui vient les relever alternativement de leur poste. Le comte, la bouche béante, les yeux démesurément ouverts, les trains empreints de stupeur, s'approcha vivement de Carlyle. Sacrebleu ! S'écria Warburton en arrachant violemment ses besicles. Si je vous comprends bien, monsieur Carlyle, fit le comte d'une voix grave et solennelle, c'est à cause des dettes que l'on s'est emparé du cadavre, s'emparer d'un cadavre. En vérité, je me demande si je suis bien éveillé. C'est là ce qu'ils ont fait. Ils se sont introduits ici, en ayant recours à un stratagème hardi. Est-il possible que la loi anglaise tolère de pareils faits ? Arrêter un homme mort, c'est horrible. Et j'ai peine à en croire mes oreilles. Je me souviens maintenant qu'Isabelle m'a parlé de deux individus. Mais elle était alors tellement en proie à la douleur, elle était tellement agitée, que je ne prêtais qu'une attention médiocre à ses paroles incohérentes. Qu'allons-nous faire ? L'enterrement ne peut avoir lieu. Je le crains. La femme de charge m'a appris que ces hommes ne voulaient même pas que l'on ferme la bière. Et cependant, cela devient absolument nécessaire. C'est une horreur, s'écria le comte. Et savez-vous qui s'est rendu coupable de cet acte ? Demanda Warburton. C'est un personnage du nom d'Anstey, répliqua Carlyle. En l'absence des membres de la famille, j'ai pris sur moi d'aller dans la chambre mortuaire et de questionner ces deux individus. Ils réclament 73 000 francs. « Si c'est Anstey qui les réclame, fit observer Warburton, vous pouvez être certain que c'est une dette qu'on ne peut désavouer, et que le comte a lui-même emprunté tout cet argent. C'est vraiment adroit, Anstey, d'avoir eu recours à cet expédient. Dites plutôt que c'est une honte, et que cette affaire est d'un grand scandale, ajouta Lord Mountsevern. Mais que faire? Que faire? Tandis qu'ils se consultent sur le meilleur parti à prendre, retournons un moment auprès de Lady Isabelle. En proie à la plus vive agitation, torturée par l'anxiété et le chagrin le plus profond, elle se tenait seule, assise dans sa chambre. Lord Mountsevern lui avait donné à entendre que dorénavant elle vivrait avec sa femme et lui. Cette offre avait été faite d'une manière bienveillante et avec délicatesse. Isabelle, en réponse, s'était contentée de courber la tête et de murmurer en tremblant un faible merci. Mais à peine le comte l'eut-il laissée seule, qu'elle fut prise d'une crise nerveuse et des larmes brûlantes et rebelles jaillirent de ses yeux. « Moi, vivre sous le même toit que Madame Vane ?» murmurait-elle en son cœur. « Oh non, jamais ! J'aimerais mieux gagner ma vie par le travail de mes mains, manger du pain sec, mourir même, plutôt que de me soumettre à une telle humiliation. » Et ainsi de suite. Les jeunes filles sont en général assez aptes à se laisser entraîner à de tels accès de sentimentalisme. Mais la plupart du temps, ces accès sont de courte durée. On ne tarde pas à en sentir l'inutilité et la folie, surtout lorsqu'on se trouve dans la position critique où était Lady Isabel Vane. Travailler pour vivre, c'est bel et bon en parole, mais en pratique, c'est autre chose. À vrai dire, Lady Isabel n'avait pas de choix. Il lui fallait de toute nécessité accepter la proposition qui lui était faite, et alors même que ses lèvres tremblotantes protestaient contre cet arrêt de la Providence, la conviction que c'était là l'unique ressource qui lui restait glissa imperceptiblement en son esprit. Lord Mountsevern désirait l'envoyer sur le champ à Castle Marling, mais elle ne voulut pas y consentir et il fut décidé qu'elle s'y rendrait le jour après les funérailles. Warburton, après s'être consulté avec le comte, se dirigea vers la chambre mortuaire et congédia les deux intrus qui s'y étaient introduits et s'étaient mis en possession du mort. Tous les gens de la maison furent fort étonnés, cependant, de voir ces sinistres personnages continuer à rester au château. Warburton, tout en payant ce qu'il réclamait, leur avait dit de ne point s'en aller immédiatement. C'était un homme adroit et rusé, un fin merle, en un mot, qui n'agissait pas ainsi sans motif et qui comprenait que si l'on voyait sortir ces deux croque-morts, il s'en présenterait d'autres pour arrêter le cadavre. L'enterrement eut lieu le vendredi suivant de bon matin, dans le cimetière attenant à l'église Saint-Jude. Ce fut encore là pour Isabelle la cause d'une poignante douleur, d'une amère déception. Elle s'était imaginé en effet que son père serait inhumé au château de Mountsevern. Le comte, tout en accomplissant honorablement et convenablement ses devoirs vis-à-vis d'un parent, n'avait pas jugé à propos de faire plus de dépenses que cela n'était rigoureusement nécessaire. Il paya ce qui était dû aux petits commerçants, il remit aux domestiques le montant de leur gage, en y ajoutant une indemnité d'un mois, et il garda à son service le sommelier. Quant à Isabelle, il lui donna carte blanche et lui recommanda de ne rien épargner pour paraître digne du rang qu'elle avait jusqu'alors occupé. Enfin, il s'entendit avec les créanciers afin d'obtenir d'eux la restitution des chevaux et des voitures dont ceux-ci s'étaient prudemment emparés. Le comte et Carlyle menèrent le deuil. Ce dernier, bien qu'il ne fût en aucune manière allié à la famille, avait été invité par le comte à rendre ce dernier devoir à son prédécesseur, sans doute parce que le nouveau père se souciait peu de suivre seul le convoi et de mettre en spectacle une douleur qu'il n'éprouvait nullement. Quatre membres de l'aristocratie tenaient les coins du poêle, et plusieurs voitures venant à la file composaient le lugubre cortège. Le lendemain, tout était sens dessus dessous au château. C'était un vrai tohu-bohu. Le comte et Isabelle allaient partir, mais non pas ensemble. Les domestiques devaient également quitter les lieux. Le comte s'en rendait tout d'abord à Londres. La voiture qui allait le mener à la station du chemin de fer de West Lynne était prête et l'attendait à la porte, lorsque Carlyle arriva en courant. « Je commence à craindre que vous ne vinssiez point, » fit Mountsevern en lui serrant la main. « C'est à peine s'il me reste 5 minutes à vous donner. Vous m'avez parfaitement compris, n'est-ce pas, au sujet du tombeau ?»« Parfaitement, » répondit Carlyle. « Comment se porte Lady Isabelle ?»« La pauvre enfant est dans un grand abattement. Elle n'a pas voulu déjeuner avec moi. » Mais Mason m'a appris qu'elle avait eu des attaques de nerfs. Quel père! Quel triste père que celui qu'elle a eu! Ajouta-t-il énergiquement en se levant pour tirer la sonnette. Un domestique se présenta. « Allez prévenir Lady Isabelle que je suis sur le point de partir et que je désire la voir, » s'écria le comte. « Et maintenant ? » continua-t-il en s'adressant à Carlyle. « Laissez-moi vous témoigner toute ma gratitude. Je sens que sans vous, sans votre précieux concours, je n'ai jamais pu sortir d'une situation aussi désagréable et aussi compliquée. Vous m'avez promis une visite et j'espère que vous tiendrez prochainement cette promesse. « Oui, mais à une condition, » fit Carlyle en souriant, « c'est que je serai dans votre voisinage et si... » Il n'eut pas le temps d'achever sa phrase. Isabelle venait d'entrer en costume de voyage, car elle désirait s'en aller immédiatement après le comte. Sa figure était recouverte d'un voile de crêpe qu'elle releva et rejeta derrière son chapeau. « Il est temps de vous faire mes adieux, Isabelle, » lui dit le comte. « Avez-vous quelque chose à me demander ?» Elle entr'ouvrit les lèvres comme pour exprimer un désir, mais apercevant Carlyle, debout près de la fenêtre, le dos tourné à la chambre, elle s'arrêta aussitôt. « Allons, » reprit le comte, qui avait hâte d'en finir, craignant de manquer le train. « Allons, j'ai tout arrangé pour votre voyage. Seulement, ayez soin de prendre quelque nourriture vers le milieu de la journée, car vous n'arriverez à Castle Marling que pour l'heure du dîner. Dites à Madame Vane, ou plutôt à Lady Mount Severn, que je n'ai pas eu le temps de l'écrire, mais que je lui adresserai une lettre à mon arrivée à Londres. » Mais Isabelle, soucieuse et embarrassée, se tenait immobile et muette devant lui, perdant peu à peu contenance et changeant incessamment de couleur. « Voyons, » continua le comte subitement frappé de son émotion, « vous avez quelque chose à me dire, j'en suis sûr. » Oui, elle avait en effet quelque chose à lui dire, mais elle ne savait comment s'y prendre. Quelque chose de douloureux et qu'il lui était pénible d'avouer. Quelque chose d'humiliant pour elle et qu'elle ne pouvait se résoudre à confesser tout, surtout en la présence de Carlyle. Enfin, prenant son courage à deux mains, « Je n'aime pas à vous l'apprendre, » balbutia-t-elle en tremblant tandis que le sang lui montait au visage, « mais je suis sans argent. »« En vérité, mon enfant, il faut m'excuser, » répliqua le comte, vivement contrarié de n'avoir pas pris les devants et de s'être ainsi rendu coupable d'une négligence répréhensible. « C'est un oubli involontaire, » continua-t-il en déboutant dans sa redingote et en cherchant son porte-monnaie, dont il examina le contenu. « Voici 80 francs, » reprit-il après un moment de silence. « C'est là tout ce que je puis vous donner pour le moment, car je m'aperçois que je suis un peu à court d'argent. Et je n'ai que juste ce qu'il me faut pour aller à Londres. Cela vous suffira sans doute, mon enfant. J'ai remis à part de ce qu'il faut pour payer le voyage, et une fois à Castle Marling, Lady Mount Severn vous donnera l'argent qui pourra vous être nécessaire. Seulement, il faut le lui demander, ne l'oubliez point. » Ce disant, il posa 4 louis d'or sur la table et prit congé d'Isabelle en lui recommandant de considérer Castle Marling comme sa propre demeure et de s'installer comme si elle était chez elle. Puis il sortit, accompagné de Carlyle. Arrivé devant la voiture, il s'arrêta un instant, dit quelques mots à l'avoué, et les chevaux prirent le galop. Carlyle retourna auprès d'Isabelle. Il la trouva occupée à ramasser les pièces d'or. Elle était pâle comme la mort. « Voulez-vous me rendre un service ?» demanda-t-elle à Carlyle. « Je suis entièrement à vos ordres, » répliqua celui-ci. « Eh bien, veuillez remettre ceci à M. Kane, » fit-elle en lui tendant un louis d'or. « Je vais prier Marbelle de s'acquitter de cette dette, mais elle ne l'a point fait. Ayez la bonté de lui donner cette somme, cela m'obligera. » « Mais n'est-ce pas trop ?» se hasarda à dire Carlyle. « Non, il a été longtemps à accorder le piano. D'ailleurs, il a besoin d'argent, plus encore que moi, » ajouta-t-elle avec un sourire forcé. « Si cela n'avait été pour lui, je n'aurais jamais le courage de demander cet argent à Lord Mount Severn. Savez-vous ce que j'eusse fait alors ?»« Quoi ? Je vous aurais prié de m'avancer la somme nécessaire. À un moment, j'étais sur le point de m'adresser à vous, et il me semble que cela m'eût été moins pénible que de tendre la main à Lord Mount Severn, comme je viens de le faire. » « Merci de cette bonne pensée, » murmura l'avoué d'une voix lente et profondément émue. « Puis-je vous être bon à quelque chose ?» Elle allait répondre lorsqu'un bruit inusité se fit entendre. Tous deux allèrent à la fenêtre et ils virent des chevaux s'arrêter à la porte. C'était la voiture qui devait emmener Lady Isabelle, ou plutôt la conduire à l'embarcadère de chemin de fer. Cette voiture, sorte de char à banc, avait appartenu à son père. 4 chevaux de poste y étaient attelés, car Lord Mount Severn avait voulu qu'Isabelle quittât le pays comme il y était arrivé, c'est-à-dire avec toute l'apparence de la richesse. Dès qu'on eut emballé les malles et les porte-manteaux, Marvel alla se percher sur le siège près du cocher. « Tout est prêt, » murmura Isabelle. « Maintenant, monsieur Carlyle, il faut nous séparer. Mais avant de nous dire adieu, laissez-moi vous offrir un souvenir. Acceptez de moi ces petits poissons dorés d'argent que j'ai achetés tout dernièrement. Pourquoi ne pas les emporter avec vous ?»« Chez Lady Mountsevern ? Non, non, je préfère les confier à vos soins. Il ne leur faut pas grand-chose pour vivre. Quelques miettes de pain, c'est tout. Vous leur donnerez, n'est-ce pas ?» Et en prononçant ces paroles entrecoupées par l'émotion la plus vive, on eût dit que son cœur allait se briser, et des larmes inondèrent son visage. « Asseyez-vous, quelques minutes seulement, » lui dit Carlyle d'une voix suppliante. « Non, non, il faut que je parte sans plus tarder. » Alors il lui offrit le bras pour la mener à la voiture. Quand elle traversa le vestibule, elle y trouva rassemblés tous les domestiques de la maison. Ils étaient là, l'attendant au passage. La plupart avaient vieilli au service de son père. Elle leur tendit une main tremblante. Elle aurait voulu leur adresser quelques mots d'adieu, leur témoigner sa gratitude, mais elle ne le pouvait point. Les sanglots la suffoquaient et lui ôtaient la parole. Elle promena sur eux tous un regard bienveillant et mouillé de larmes. Puis, comme si elle avait hâte de se soustraire à cette scène déchirante, elle précipita ses pas. Les postillons n'attendaient plus que le signal du départ. Isabelle avait pris place dans la voiture et Carlyle, qui se tenait près de la portière, se penchait vers elle et lui serrait la main. « Monsieur Carlyle, » murmura la pauvre enfant oppressée de douleur, « pardonnez-moi si je ne vous ai pas remercié de toute votre bonté. Je ne le pouvais point. Vous avez dû le comprendre. » « J'aurais voulu faire pour vous plus que je n'ai fait, » répondit l'avoué. « J'aurais voulu vous épargner tous les tracas que vous venez d'endurer. Sinon, nous ne devons plus nous revoir. »« Oh, ne me dites pas cela !» interrompit-elle vivement. « Nous nous reverrons. D'ailleurs, vous avez promis à Lord Mountsevern. C'est vrai. Il est possible que nous nous rencontrions encore, de temps en temps, par hasard. Mais il y a entre nos deux existences une grande ligne de démarcation. Allons, adieu, chère Lady Isabelle, et que Dieu soit jamais avec vous. » Les postillons firent claquer leurs fouets et les chevaux prirent le grand trot. Isabelle baissa les stores et, se retirant dans un des coins de la voiture, elle donna un libre cours à ses larmes, larmes de douleur pour le père qu'elle avait perdu, larmes de regret pour la demeure qu'elle abandonnait. Sa dernière pensée en prenant congé de Carlyle avait une pensée de gratitude, mais sa reconnaissance envers cet homme ne devait pas rester là. Toute douleur a un terme et les yeux même les plus jeunes ne sauraient pleurer toujours. Quand donc elle eut versé toutes ses larmes, la pauvre enfant aperçut entre les plis de sa jupe un papier froissé, auquel elle ne fit tout d'abord que peu d'attention. Machinalement, elle le prit à la main et le déplia. C'était un billet de banque de 100 livres sterling. Carlyle s'était, ce jour même, muni de ce billet dans le but arrêté de le laisser tomber sur les genoux d'Isabelle au moment où il se séparerait d'elle. Lady Isabelle, les regards tachés sur le papier, n'en pouvait croire ses yeux. Elle tournait et retournait le billet entre ses doigts sans comprendre d'où il lui était venu. Comment se trouvait-elle en possession d'une aussi forte somme? Qui la lui avait donnée? Tout à coup, elle éprouva un frissonnement de la tête aux pieds. Ses mains tremblèrent, son visage devint rouge, et de ses yeux jaillit la colère. Elle devinait tout. Carlyle seul avait pu mettre là cet argent. Tout d'abord, elle se sentit blessée. Sa fierté se révolta. Mais peu à peu, quand son cerveau surexcité eut repris quelque calme, quand elle en vint à considérer sa position actuelle, et la froide réalité des événements survenus depuis si peu de jours, son courroux s'évanouit et fit place à la reconnaissance. Et elle n'éprouva plus alors qu'une admiration profonde pour la délicatesse et la générosité de son bienfaiteur. N'avait-il pas été pour elle un ami sincère et dévoué? Et dans cette circonstance encore, ne lui prouvait-il pas, avec une sensibilité exquise, qu'il la suivait des yeux, qu'il la savait seule au monde, sans argent, sans un sou, excepté ce qu'elle allait accepter des mains de la charité? Mais comment devait-elle agir, cependant, en une telle occurrence? Se servir de ce billet de banque, cela n'était pas possible. Le renvoyer n'était-ce pas blesser mal à propos un noble cœur? Lui causerait-elle ce chagrin? Méritait-il un pareil affront? Non. Mieux valait garder cet argent et attendre patiemment qu'une occasion se présentât pour elle de le lui restituer personnellement. Sur la grille d'entrée de la maison du juge Hare, un peu en dehors de la double rangée d'arbres obscurs, se tenait accoudée Barbara. Elle avait appris l'heure à laquelle devait partir Lady Isabelle, et entraînée par la curiosité ordinaire aux femmes, excitée aussi par un sentiment de jalousie, car elle en était véritablement arrivée à considérer Isabelle comme sa rivale, elle s'était postée en cet endroit afin de la voir passer. elle n'eut pas cette satisfaction. Les stores étant baissés, elle dut se contenter de voir les chevaux, les postillons et les domestiques. Elle demeura longtemps à cette même place, longtemps après que la voiture eut disparu. Elle y fut restée plus longtemps encore, n'était que son père, qui revenait de West Line, se présenta devant elle. « Barbara, avez-vous vu Carlyle ?»« Non, mon père. Je suis allé à son étude, mais j'ai appris qu'il était à East Line. Il va probablement passer de ce côté, et je voudrais causer avec lui un instant. » Le juge s'appuya contre les barreaux de fer en dehors de la grille. Barbara se tint immobile au lieu où elle était. Était-il nécessaire d'ajouter qu'elle attendait l'arrivée de Carlyle, avec plus d'impatience encore que son père? « Avez-vous appris la nouvelle ?» s'écria subitement le juge. « On ne parle que de cela. Il paraît que Carlyle... » Le juge s'arrêta tout court et se rendit sur le milieu de la voie publique afin de voir s'il n'apercevait point venir celui qui l'attendait. Barbara, tourmentée du désir de connaître la suite de cette sentence interrompue, bouillait d'impatience. « Il paraît que Carlyle... » reprit-elle en voyant revenir son père. « Le voici qui arrive, » fit le juge. « Eh bien, » continua-t-il, « il paraît que Carlyle a acheté East Line. »« C'est impossible !» s'écria la jeune fille. « Comment, lui, il serait le propriétaire d'East Line ? Et pourquoi pas ?»« Lui et sa sœur n'ont-ils pas un nid plein de d'or ? J'ai voulu faire causer le vieux Deal tout à l'heure, mais, selon son habitude, il s'est montré très réservé et n'a rien voulu m'apprendre. »« Tiens, vous voilà. Bonjour, cher ami, » ajouta M. R. en voyant approcher Carlyle. « Je vous guettais avec impatience, car je voulais savoir si vous aviez des nouvelles du refuge d'Ipsley. Notre comité a voté le renvoi de tous les indigents. »« Je le sais, » riposta l'avoué, « et votre vote a été approuvé. Vous pouvez donc vous en débarrasser au plus vite. »« Comment allez-vous, Barbara ?»« Ce que vous venez de m'apprendre me réjouit fort, » continua le juge. « À propos, Carlyle, » ajouta-t-il, « on prétend que vous avez acheté East Line. Vraiment ?» « Eh bien, on n'a pas tort. Je suis en effet le propriétaire d'East Line. »« Ah, les avoués, ce sont eux qui se connaissent en affaires, » s'écria le juge Hare. « Quand ils traitent d'une chose qui les concerne, soyez sûr qu'ils ne la traîneront pas en longueur. »« Ainsi, voilà tout au plus une semaine que le comte est mort et déjà la propriété à vous. »« East Line m'appartient depuis 9 mois, » se contenta de répondre Carlyle. « Est-il possible ? Mais alors vous avez dû lui faire payer un loyer énorme. » « Je ne lui ai rien fait payer du tout, » répliqua l'avoué en souriant. « Il ne demeurait là que comme tenancier honoraire. »« Alors tant pis pour vous, » s'écria le juge. « Mais, » ajouta-t-il en se reprenant vivement, « excusez ma franchise. Vous êtes jeune et je suis vieux. Du moins, je commence à le devenir. Le comte n'était pas moins insensé que vous de s'être laissé mettre dans de tels embarras. »« Oui, » continua Barbara, « il paraît qu'il se trouvait dans de bien grands embarras. » J'ai appris hier que Lady Isabelle était dans un dénuement complet, qu'elle n'avait pas même de quoi s'acheter son deuil. Ce sont les Smiths qui l'ont dit Herbert, et Herbert me l'a rapporté. Est-ce vrai, Archibald ? Carlyle ne put s'empêcher de rire. Je ne m'étonne que d'une chose, répondit-il, c'est que l'on n'ait pas ajouté qu'elle ne prendrait point le deuil, n'ayant point d'argent. Du moment que vos amis étaient en si bon train, cela ne leur aurait pas coûté davantage. « Dieu, que deviendrait notre petite ville de West Line si elle venait à perdre sa langue ?»« Ah oui, je vous le demande, » s'écria le juge Hare. J'ai rencontré la voiture attelée de 4 chevaux. La servante était sur le siège avec le cocher. Quand on n'a pas de quoi s'acheter une robe, ce n'est pas ainsi que l'on voyage. « M'entendez-vous, mademoiselle Barbara ?»« Il faut bien que l'on ait quelque chose à dire, » continua Carlyle. « J'ai acheté East Line. Eh bien, il y a le gros à parier qu'avant la fin de la journée, on dira également que j'ai acheté West Line. » « Allons, adieu, au revoir, Barbara. » À son arrivée à Londres, la première personne qu'aperçut Lord Mountsavern en entrant dans l'hôtel où il avait l'habitude de descendre fut sa femme. Il la croyait à Castle Marling et, surpris, il lui demanda une explication. C'est à peine si Lady Mountsavern se donna la peine de l'informer qu'elle était arrivée depuis 2 jours dans l'intention de commander elle-même ses effets de deuil et qu'elle avait amené avec elle son fils William, qui était malade et qui avait besoin d'un changement d'air. « Je ne puis m'empêcher de regretter que vous soyez ici, » fit le comte, « car Isabelle est allée aujourd'hui à Castle Marling. »« Comment cela ? Et dans quelle intention ?» demanda Lady Mountsavern en regardant fixement son mari. « Ah, ne m'en parlez pas, c'est une triste affaire. Mountsavern est mort en ne laissant que des dettes, et Isabelle n'a pas un liard. » « Cela ne doit pas vous surprendre. Mais il ne lui reste rien, pas même un sou, elle n'a pas de quoi se vêtir. » « Que va-t-elle devenir ? Où va-t-elle se réfugier ? Dit la comtesse en écarquillant les yeux. « Eh bien, mais elle vivra avec nous, elle. »« Avec nous ?» interrompit Lady Mountsover d'une voix aiguë et criarde. « Avec nous ? Jamais !»« Il le faut, Emma. Où voulez-vous qu'elle aille ? Si j'ai pris cette décision, c'est que je m'y suis vu contraint par les circonstances. » Lady Mountsover n'était pâle de rage. Elle se leva du fauteuil où elle était assise et s'appuyant des deux mains sur la table qui était entre elle et son mari. « Écoutez-moi, Raymond, » s'écria-t-elle. « Je ne veux pas qu'Isabelle Vane demeure avec nous. Je la déteste et je m'étonne que vous ayez été assez faible pour sanctionner un pareil arrangement. »« Je n'ai rien sanctionné, » reprit froidement le comte. « C'est moi-même et moi seul qui ai fait la proposition. Pouvais-je la laisser sur le pavé ? Cela ne me regarde point, mais je ne veux pas d'elle chez moi. Voyons un peu de calme et tâchez d'envisager la chose sans parti pris et surtout sans passion. » Elle est orpheline et seule en ce monde. Je suis son plus proche parent, et en héritant de la terre de Mountsover, j'en prends aussi le titre. C'est dire que j'ai des obligations à remplir. En admettant que juste le cœur assez dur pour abandonner Isabelle à son triste sort, les lois de la bienséance m'obligeraient à la recueillir chez moi. N'êtes-vous pas de cet avis ? Non, non ! S'entêta à répondre la comtesse. Je lui interdis l'entrée de notre demeure. Elle est actuellement à Castle Marling, continua le nouveau père, et elle y restera. Vous-même, lorsque vous serez de retour, vous n'oserez pas la mettre à la porte, l'envoyer dans une maison de refuge ou écrire à l'un des ministres de la reine afin d'obtenir pour elle une pension viagère. Non, vous ne l'oseriez pas, car vous savez combien l'opinion du monde s'élèverait contre vous. Il me semble que vous pourriez vous montrer un peu plus généreuse, Emma. Lady Mountsover ne répondit point. Elle possédait assez de bon sens pour comprendre qu'Isabelle ne pouvait être abandonnée à la charité publique. Elle se soumit donc, du moins en apparence, car elle maugréait intérieurement, et son visage était si rouge de colère qu'on eût pu croire qu'il allait vomir le feu. D'ailleurs, reprit le comte avec son sang-froid habituel, elle ne saurait vous être longtemps à charge, car si j'en crois sa merveilleuse beauté, Isabelle ne tardera pas à trouver un bon parti. De plus, elle est douée d'un caractère doux et aimable, et j'ai peine à comprendre l'aversion que vous avez pour elle. Soyez certaine qu'il y a plus d'un homme qui se considérera trop heureux d'épouser un aussi charmant visage. Le premier parti qui se présentera, il faudra bien qu'elle l'accepte, répliqua vivement et avec aigreur la comtesse. Soyez tranquille, j'en fais mon affaire.